mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Votre casque. Installe. De Tariq Nui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux vous poser une question ? Oui. Oui. Vous venez souvent ici ? Tous les jours. Je suis à la retraite. Ah oui ? C'est bien ça, la retraite. Ça laisse du temps. Et alors, vous aimez vous poser là, tranquillement, sur ce banc, je suppose ? Oui, tranquillement, on peut dire ça. Oui. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Vous n'avez jamais vu un type sur un banc ? Si, si. Enfin, oui et non. On en voit, mais des comme vous, non. Vous, là, votre manière de vous tenir, c'est... Attendez, ne bougez pas. Restez comme ça, je vais m'éloigner un peu pour avoir une vue d'ensemble. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ne bougez pas, laissez-moi voir ça. Vous pouvez vous décaler un peu sur la gauche ? Voilà. Ne bougez plus. Ah oui, c'est quand même pas mal. Vous aimez voyager ? Oui, bien évidemment. Oh, c'est pas évident, vous savez. Il y a des gens qui préfèrent par-dessus tout rester chez eux. Alors vous aimez bien voyager, c'est ça ? Oui, j'aime ça. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Attendez, là, je crois que c'est parfait. Mettez votre bras plus contre votre poitrine. Voilà, parfait, parfait. Bon. Baissez un peu la tête. Oui. Bien. C'est quoi ça ? Ça, c'est un pyrograveur. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce truc ? Je vais graver mon nom sur ce banc. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai tous les droits. Je suis un artiste. Max Cavallo, vous connaissez ? Non. Mais c'est quand même du vandalisme. Je suis l'un des plus grands artistes contemporains. Non, en fait, je suis le plus grand artiste contemporain. Et ça, comme vous dites, c'est de l'art. Voilà, c'est fini. J'aime bien la phase de signature, ce moment où l'on s'accapare vraiment l'œuvre. Sinon, New York, ça vous dirait ? Comment ça, New York, ça me dirait ? Mais c'est quoi cette histoire à la fin ? Jody, bien. Vous m'envoyez un contrat le plus vite possible par coursier au nom de... Vous vous appelez comment, monsieur ? Alfonso Stéphane. Alfonso Stéphane, oui. Et tu me fais venir une équipe pour charger un banc et un vieux pour le MoMA. On prépare un vernissage vendredi prochain. Oui, j'en ai déjà quatre de prévus. Bon, on va trouver une date. Mais je vais rien signer du tout. Et puis c'est quoi cette histoire de New York ? Vous serez assis sur ce même banc dans un musée. L'un des plus prestigieux au monde. 8 heures par jour, nourri, blanchi, et le soir, quartier libre, plus un jour dans la semaine, peut-être. Vous pourrez aller à Central Park. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sinon, j'embarque seulement le banc, mais l'œuvre n'aura pas la même force sans vous, c'est certain. Vous êtes sincère quand vous dites ça ? Je suis Max Cavallo. Je ne mens jamais. Un artiste ne ment jamais, et un grand artiste encore moins. Vous êtes l'âme de cette œuvre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dois avouer que c'est tentant. Mais je ne parle pas bien anglais. Vous n'aurez rien à dire. Juste rester assis sur le banc. Oh, après tout, ici ou ailleurs, autant finir sa vie à New York. Vous pensez que mon avion va partir à quelle heure ? Histoire que je prenne quelques affaires. Vous ne partez pas en avion. Vous allez voyager en container, comme le reste de l'installation. Pour l'emballage, ne vous inquiétez pas, c'est des professionnels. C'était Install de Tariq Nui. Avec Mexianou Medenou et Jean Ocotrel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus.